Chapitre 9e. Lorsque Sextius Bonenfant et Arnold Barthes revinrent sur le lieu du combat, portant le brancard et accompagnés de Cabassus, le docteur et Mélanie causaient intimement. Les situations violentes ne peuvent rester longtemps à l'état aigu. Les forces humaines n'y résisteraient pas. Que se disaient-ils? Il est facile de l'imaginer. Julien était le sujet de leur conversation. Par un enchaînement d'idées tout naturel, des préoccupations de son salut probable, les interlocuteurs avaient passé à l'appréciation du caractère de cet homme dans la force de l'âge qui s'était dévoué sans intérêt direct au sauvetage de Mélanie. « Car enfin, disait le docteur, avec cette franchise et ce droit de tout expliquer que les médecins empruntent aux confesseurs, vous vous perdiez, ma belle enfant. Pourquoi ? Le sobriquet que vous méritez prouve que vous n'y étiez pas poussé par le besoin irrésistible chez quelques femmes de se trouver en galante compagnie. D'autre part, ce que vous avez raconté à Julien est de pure invention. Quel était votre but ? Je n'en avais pas. Ayant fait la folie, folie nécessaire, de fuir la maison de ma mère, j'étais dans une fausse position. Je n'étais libre qu'à la condition d'être isolé. Je n'étais ni marié ni veuve. Les amis de ma famille ne m'auraient pas reçu. Quelques jours après mon arrivée à Paris, je fus attiré un soir par le brillant éclairage du jardin Mabie. J'y entrai. Le sans-façon quelque peu impertinent des hommes ne me déplut pas. J'affronte volontiers les dangers. J'y revins le lendemain et je pris l'habitude de cette vie. Les compliments, les flatteries devinrent pour moi un besoin impérieux. Je parvenais ainsi à occuper une existence dévoyée lorsque M. de Mulset s'est mis en travers. Vous savez le reste. Mais pourquoi ne m'a-t-il pas dit franchement qui il était et ce qu'il voulait ? Il baissa la tête et le médecin l'entendit qui disait entre ses dents « Serions-nous donc vraiment des femmes fatales ?» Le docteur ne releva pas cet aparté. Les témoins arrivaient accompagnés du restaurateur et il allait rentrer dans son ministère. Pour la première fois de sa vie peut-être, M. Cabassus, le restaurateur de la chaumière, ses clients disent le père Cabassus, était complètement sérieux. Sa large face épanouie et rubiconde, qui d'habitude est d'une extrême mobilité, paraissait effarée par le sérieux. Il y a des hommes que l'on ne peut se figurer tristes et malheureux. Dieu sait cependant que les plus joviales caractères ressentent vivement les douleurs morales et s'affectent profondément par le chagrin. Le père Cabassus connaissait Julien, qui était venu quelquefois chez lui avec Sextius Bonenfant. Il eût voulu être de quelque secours et en effet, son assistance ne fut pas de trop. Julien, on se le rappelle, était tombé la face contre terre, les bras en avant. Il s'agissait de le retourner sans trop de secousses et de le poser sur le matelas qui recouvrait une claire-voie transformée en brancard. Le blessé était de corpulence moyenne, mais tout corps inerte est fort lourd. D'ailleurs, les plus grands ménagements étaient indispensables. Le médecin se chargea de la tête du blessé. Bonenfant le prit par les épaules, Arnold Barthes par les pieds. Cabassus fut chargé de soutenir le corps par la ceinture. C'est sur ses bras robustes que Julien fut retourné. Il parut n'avoir rien ressenti. Le docteur avait bien examiné le malade pendant cette opération. Sa physionomie marquait une préoccupation peu rassurante. Mélanie se glissa près de lui. Lorsque le patient fut étendu sur le matelas et recouvert d'un drap qui le garantissait contre les rayons du soleil, « Eh bien » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Ce sera long, fort long. Êtes-vous toujours résolu à lui servir de garde ? Oh, docteur !» La pauvre femme avait de si douloureux regards que le médecin fut ému de pitié. « Allez, messieurs, à la villa de madame. » Bonenfant et Barthes soulevèrent le brancard et se mirent en route. Alors seulement le père Cabassus remarqua Mélanie et sa physionomie revint à son caractère habituel, la bonhomie joviale, en reconnaissant que cet adolescent était une femme habillée en homme. Le contraste fut si frappant que Mélanie elle-même ne put s'empêcher de sourire. La comédie coudoie toujours le drame.